إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 5 dans l'explication de Al-Usul Sitta avec le charh de Cheikh Ubayd Al-Jabiri Hafizahullah, et on est toujours dans le point numéro 3 Al-Asl Al-Thalith au sujet de l'écoute et de l'obéissance du dirigeant. On a expliqué déjà les versets qui sont reliés à ce sujet-là, et on a expliqué au dernier cours les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique qu'il y a ce principe, hein, qui se réfère à ce principe. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va expliquer? Inch'Allah, c'est les paroles de nos salafs au sujet de ce sujet, les paroles de nos ulama au sujet de ce principe, pour faire comprendre en fait que c'est pas quelque chose qui est arrivé par la suite nouveau, c'est quelque chose qui fait partie même de ce que croyaient nos salaf salih. Ça fait partie de leur manhaj et ça fait partie des fondements de la sunna. Donc si quelqu'un par exemple contredit dans ce fondement là, c'est certain qu'il ne fait pas partie des gens d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, qu'il fait partie des gens de bid'ah, hein. Donc le cheikh il dit al-mabhath al-thalith fi an-nuqul an a'immat as-salaf fi hadha al-bab. Donc les citations des imams de nos salaf dans ce domaine ou dans cette question. Le cheikh il dit waqad ikhtarna ثلاثة منهم نبدأ بمن نرى أنه الأقدم ولعله البربهاري. يقول البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ومن يصلى بعدها ست ركعات ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين وهكذا. قال الإمام أحمد بن حنبل والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة الجاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاروا وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Donc ça c'est la parole que le cheikh Ubayd al-Jabiri a ramené de l'imam al-Barbahari, qui est un des grands imams d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, et qui a étudié avec les compagnons de l'imam Ahmad. Et donc le cheikh dit qu'il va citer trois citations de trois grands ulama de nos salafs Et le plus ancien d'entre les trois qu'il a cités, c'est les paroles de l'imam al-Barbahari, même s'il existe des paroles des ulama avant lui, mais quand même, l'imam al-Barbahari, c'est un des plus anciens parmi les imams des salaf. Et, mashallah, il a écrit un livre qui est vraiment clair et vraiment détaillé, qui contient beaucoup de clarifications au sujet de la sunna, dans son livre qui s'appelle « Sharh sunna ». Et donc c'est un passage de ce livre que le Cheikh Ubaid Hafizahullah a cité dans ce livre. Donc il dit ici que l'imam al-Barbahari a dit que il faut écouter et obéir aux dirigeants dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et celui qui a pris la charge du khilaf, celui autour de qui les gens se sont mis d'accord, et ils ont agréé comme étant leur dirigeant, alors c'est lui qui est Amir al-Mu'minin. Et il n'est permis à personne de rester même une nuit, de passer une nuit sans considérer que c'est lui son dirigeant. Même qu'il soit un homme pieux ou qu'il soit un homme pervers. C'est-à-dire que ce dirigeant-là soit pieux, barran kana ou fajiran. C'est-à-dire même si c'est un homme qui fait des péchés, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis donc de considérer que ce n'est pas lui le dirigeant. Et il est obligatoire de faire le hajj et de faire les batailles, les combats derrière lui, derrière ou avec lui. Et que ça dure. Hein, c'est quelque chose qui, comme les imams l'ont expliqué également, et comme c'est mentionné dans les hadiths, que ça reste jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire le djihad et le combat derrière le dirigeant, ça c'est jusqu'à la fin des temps, avec la capacité bien entendu. Et il faut prier également avec lui les Jumu'ah derrière lui, c'est permis de le faire. Le Cheikh il explique ça parce que à l'époque les Khulafa c'était eux qui dirigeaient la Salat al-Jumu'ah, c'est eux qui faisaient la khutbah, puis c'est eux qui dirigeaient la Salat de Jumu'ah. Et tout le monde, le Jumu'ah et les jours de Eid, c'était derrière eux qu'on priait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais, donc, si c'était lui qui dirigeait la salat, ce serait permis, ou bien il faudrait prier derrière lui, même si c'est une personne qui est en train de commettre des péchés. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, lui c'est un pécheur ou c'est un injuste, je ne veux pas prier derrière lui. Eh bien, dans ce cas-là, c'est obligatoire, ou bien on doit prier derrière lui, même si c'est quelqu'un qui commet des péchés, tant que c'est lui, notre dirigeant, pour éviter la division. Pour éviter la division des musulmans. Et on peut prier, il dit, on peut prier derrière lui et on peut prier 6 rak'at après qu'on sépare chacune deux par deux. C'est-à-dire qu'on les sépare deux par deux. Rak'aten, rak'aten, rak'aten. Il dit de même que, qu'est-ce que l'imam Ahmad ibn, il dit c'est ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit. Et il dit que le khilafa, le pouvoir ou la dirigeance, elle reste avec la tribu de Quraysh. Elle doit rester avec la tribu de Quraysh jusqu'à ce que descende Isa ibn Maryam. Tous ces points-là, en fait, en détail, ont été expliqués par les ulama. Il y a des ulama qui ont clarifié cette aqida ou ce livre, comme le Cheikh Al-Fawzan, il a fait un charh dernièrement de ce livre, et il clarifie chacun de ces points-là, chacune de ces phrases. Il ramène les explications et les preuves et les détails pour clarifier ces points-là. Donc c'est sûr que aujourd'hui c'est pas une explication détaillée qu'on va faire, mais si quelqu'un est plus, disons quelqu'un est motivé, il veut avoir plus de compréhension de ces citations-là ou de ces points-là, il peut toujours retourner au charh. Et j'ai déjà, à Montréal, fait le charh de, j'ai traduit, disons, le charh de Cheikh Al-Fawzan sur Internet. Donc si quelqu'un veut l'écouter, Inch'Allah, pour comprendre plus en profondeur ces paroles-là, il peut retourner au charh. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui sort contre un des dirigeants des musulmans, alors c'est un khariji. C'est-à-dire, il fait partie des gens qui sont sur la secte ou la voie des gens qu'on appelle les khawarij. Hein? Et il a divisé le bâton des musulmans, c'est-à-dire l'unité des musulmans. Et il a contredit les narrations et les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là, et sa mort est une mort comparable à celle de la jahiliya. Sa mort, l'état dans lequel il meurt, c'est comparable à la jahiliya. Ça ne veut pas dire ici que il est kafir, hein, comme les ulama ont expliqué, c'est quand le professeur Hassan dit que famaytatuhu maytatun jahiliya, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, ça veut seulement dire que il vit dans un état qui est comparable à celle des gens quand ils vivaient dans la jahiliya, puisque les gens dans la jahiliya, ils étaient tous divisés. Ils avaient tous un chef d'une tribu, et puis ils se combattaient tous les uns les autres. Chacun se combattait les uns les autres, et l'islam est venu, et ils se sont tous réunis derrière un seul dirigeant. Donc lorsque les gens rejettent donc l'allégeance, ou bien rejettent leur dirigeant et sortent contre leur dirigeant, eh bien ils redeviennent comme ils étaient avant dans la jahiliya, c'est-à-dire chaque groupe divisé qui se combat les uns les autres. Et l'imam al-Barbahari, il dit ensuite, et il n'est pas permis de combattre le sultan, c'est-à-dire le dirigeant, ni de se rebeller contre lui, ou de se révolter contre lui, même s'il fait de l'injustice. Wa in jaru, et ça c'est un des fondements, parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah, c'est très important, parce que les gens de Bid'a, ils ne disent pas ça. Vous n'allez pas trouver des gens de Bid'a qui disent ça. Ça c'est une des caractéristiques qui distingue les gens d'Ahl al-Sunnah. Les gens de Bid'a, eux, ils vont dire, il faut obéir au dirigeant tant qu'il est un bon musulman. Mais si c'est un mauvais musulman, aussi c'est un injuste, ils rejettent ce dirigeant-là complètement, et ils disent que c'est même parfois obligatoire de se révolter contre lui. Tandis qu'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, ils disent non, c'est interdit de se révolter contre lui ou de se rebeller contre lui, même s'il fait de l'injustice. Hein? Et ça, on va le voir en détail aussi par la suite. Et il dit, donc, même s'il fait de l'injustice, et ça, c'est pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils suivent l'exemple de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a donné à Abi Zar al-Ghifari, quand il a dit, « Isbir wa in kana abdan habashiyan », c'est-à-dire, sois patient et endure, même si c'est un dirigeant qui est un esclave éthiopien. Et il a dit aux Ansar, Isbiru hatta talqawni ala al-Hawd, soyez endurants jusqu'à ce que vous me retrouviez auprès de al-Hawd, hein, donc c'est-à-dire au jour de la résurrection, c'est-à-dire le bassin, hein, la fontaine de laquelle les croyants vont boire au jour de la résurrection. Wa laysa fi sunnati qital as-sultan فإن فيه فساد الدنيا والدين. Et dans la sunna, il n'y a pas du tout le fait de combattre le dirigeant, hein, et de se révolter contre le dirigeant, parce que celui qui fait ça, il amène le désordre et la corruption dans la dunya et dans la religion. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis, qui n'est pas correct et qui n'est pas acceptable. Donc ça, c'est si vous voulez retourner à la parole de l'imam al-Barbahari, vous pouvez consulter Sharh al-Sunnah je pense même qu'il est traduit même en français, donc vous pouvez retourner pour le lire. Ensuite le cheikh il dit, wa nantaqil ba'da hadha al-bayan al-manhaji fi 'aqidati ahli as-sunnah wal-jama'a fi man waliya umur al-muslimin wa sawa'a kana al-khalifatu al-a'zam aw kana dunahu من الأمراء. ننتقل بعد هذا الذي سمعناه من عالم قديم من علماء الإسلام إلى عالم آخر وهو أبو جعفر الطحاوي مع شرح كلامه قوله. Donc le cheikh maintenant on va passer, après avoir clarifié cette parole qui est basée sur le manhaj de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on va maintenant on a expliqué maintenant donc le manhaj de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet du dirigeant des musulmans, peu importe que ce soit le khalifa général de toute la umma au complet, ou bien que ce soit un des dirigeants qui dirige une des contrées ou un des différents pays musulmans. On va maintenant passer, après avoir écouté les paroles de ce savant ancien d'entre les savants de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on va passer à un autre savant, même qui est plus ancien, hein. C'est vrai, j'avais dit que c'était un savant ancien, celui-là il est encore plus il a précédé l'imam l'imam al-Barbahari, c'est l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il a vécu dans les années 100 quelque chose, il est né dans les, ou bien il est décédé dans les années 100 et quelques. Donc il est plus ancien que l'imam al-Barbahari, qui a vécu dans les années, si je ne me trompe pas, 300 quelque chose à la fin. Donc il dit dans sa aqida qu'on appelle al-aqidat al-Tahawiyya, ça c'est un livre très célèbre de l'imam al-Tahawi. L'imam al-Tahawi, c'était un des imams, on dit même qu'il était un des compagnons des élèves de l'imam al-Shafi'i, ou bien des compagnons des élèves de al-Shafi'i, ou bien de, c'est-à-dire il était sur le madhab de l'imam al-Shafi'i, puis que c'était par contre un imam, bien entendu, qui était parmi ceux qui retournent au adilla, aux preuves, et qui défendaient les preuves du Coran et de la Sunna. Et on lui a demandé d'étudier ou de prendre le madhab Hanafi, à la requête d'un des ulama, d'étudier le madhab al-Hanafi, et puis donc par la suite il est devenu Hanafi. Et un des ulama des Ahnaf, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, a fait le sharh de sa aqidah. Il a fait le sharh de sa aqidah selon les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un des élèves qui ont étudié les livres de Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah et l'imam al-Zahabi. Et donc il a fait le sharh de la aqida de l'imam al-Tahawi selon les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, et il a réfuté en même temps les groupes de bid'a et les croyances de bid'a, parce que parfois vous allez trouver des sharhs de la aqida de l'imam al-Tahawi écrits par des asha'ira ou bien par des maturidiyah, surtout par des maturidiyah. Et donc l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il a écrit ce sharh. Et si vous retournez à la aqida al-Tahawi elle-même, vous voyez que c'est un petit livre, quelques pages seulement, peut-être même pas 10 pages, tellement que c'est petit. Et le sharh de ça, écrit par Ibn Abi al-Izz, il contient environ 500 pages, selon l'édition. Donc c'est un sharh vraiment approfondi et détaillé de cette aqidah, et qui explique bien et qui clarifie bien qu'est-ce que l'imam al-Tahawi a voulu clarifier, puisqu'il ramène les choses à la aqida et au manhaj des salaf al-salih. Donc il explique ici, il dit قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة أو من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Donc le cheikh l'imam al-Tahawi, il dit, on n'est pas d'accord avec le fait de sortir contre nos dirigeants et de nous révolter contre nos dirigeants et ceux qui ont la responsabilité de nos affaires, même s'ils font de l'injustice. Et on n'invoque pas, on ne fait pas de dua contre eux. On ne fait pas de dua contre eux. Et on ne retire pas notre main de leur obéissance, de l'engagement qu'on a pris, c'est-à-dire la bay'a qu'on a pris, de leur obéir. Et on considère que de les obéir, ça fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est obligatoire. Tant qu'ils n'ont pas ordonné de commettre un péché, et en même temps on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala les rende meilleurs, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés. Donc ça c'est la aqida d'Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des dirigeants. Et on voit que c'est le contraire du manhaj de la plupart des gens de Hizbiyya aujourd'hui. Le cheikh, il mentionne le sharh de cette parole dans le sharh de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Il dit « Al-sharh قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر الغفاري قال رضي الله عنه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وعند البخاري ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc le cheikh il explique ces paroles de l'imam al-Tahawi en mentionnant des hadiths et des versets à ce sujet. Donc il mentionne le verset dans Surat al-Nisa qui dit « Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Et le hadith dans al-Sahihain, dans al-Bukhari muslim, qui dit « Celui qui m'a obéi, il a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit, il a certes désobéi à Allah. » Et celui qui obéit au dirigeant, il m'a obéi. Et celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Et selon Abi Zar, radiallahu anhu, qui a dit, mon bon ami, mon Khalil, c'est-à-dire mon ami proche, mon ami intime, mon meilleur ami, il m'a conseillé d'écouter et d'obéir. Même si le dirigeant est un esclave éthiopien, qui a les membres coupés, les extrémités coupées de son corps. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre en considération la personne en elle-même, dans le sens que on regarde son apparence physique ou bien son apparence extérieure, mais on regarde plutôt son statut et qu'est-ce qu'il représente. Étant donné que c'est lui le dirigeant, même s'il n'a plus de bras, il n'a plus de mains, et on lui a coupé le nez, on lui a coupé les oreilles, malgré tout, Yani, ça reste lui le dirigeant et c'est lui qui doit, c'est lui qu'on doit écouter et obéir dans le bien. Et c'est rapporté également selon Al-Bukhari, parce que on sait que à notre époque maintenant, quand on voit les koufars comment ils font leur politique et leur démocratie, souvent c'est basé beaucoup sur l'apparence. Ils choisissent un candidat qui a une belle apparence et ainsi de suite. Puis si la personne n'a pas une belle apparence, les gens vont pas voter pour lui. Donc ça c'est un exemple de ça que l'islam nous demande justement de ne pas se fier ou de ne pas se référer uniquement à l'apparence, mais du moment que quelqu'un est notre dirigeant, eh bien c'est lui qu'on doit écouter et obéir dans le bien. Et c'est rapporté également selon Al-Bukhari, il a dit même si c'est un Éthiopien dont la tête est comme un raisin sec, même si c'est un esclave, même si c'est un Éthiopien dont la tête est semblable à un raisin sec. Donc c'est-à-dire parce que il faut comprendre que peu importe qu'est-ce que tu peux penser toi ou qu'est-ce que tu peux avoir comme mépris pour l'apparence de ce dirigeant là, si tu penses que c'est quelqu'un qui mérite pas d'être imam ou d'être dirigeant, comme ça arrive maintenant dans certains pays, les gens qu'est-ce qu'ils disent à propos de quelqu'un qui est au pouvoir, ah lui c'est un ignorant, il sait rien. Il a même pas de diplôme, il a pas étudié, il a pas ci, il a pas ça, c'est un fermier ou quoi. Du moment que c'est lui le dirigeant, c'est lui que tu dois obéir. Et si tu as quelque chose à lui reprocher ou quelque chose à lui critiquer, l'islam nous ordonne à lui donner la nasiha et non pas à appeler à la rébellion ou à la révolte ou à le critiquer et à parler dans son dos. Donc ça c'est un exemple de ça. Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Et surtout à notre époque, il y a des soi-disant musulmans, surtout chez les hezbiyins, qui étudient chez les koufars en Occident. Puis qui par la suite critiquent les dirigeants dans les pays musulmans en disant « Ah, un tel, il n'a pas étudié comme moi, moi j'ai un doctorat, j'ai un PhD, j'ai un ci, j'ai un ça. Eux, c'est des gens, ils n'ont pas fait de hautes études, donc moi je mérite plus d'être dirigeant que lui, je suis plus intelligent que lui, je suis plus connaissant que lui, je suis plus ci et ça. Donc, c'est moi qui dois être le dirigeant. » Et ils font il oppose les dirigeants et il dispute l'autorité des dirigeants, et on voit que c'est ça qui se passe souvent maintenant à l'heure actuelle. Et beaucoup de ceux qui ont pris le pouvoir par des fois dans certains pays musulmans avec des coups d'État ou des choses comme ça, c'est des gens qui étaient ici en Occident, puis qu'ils sont retournés dans les pays musulmans, puis ils ont fait un coup d'État ou une rébellion. Donc ça nous montre en fait l'idée que pour que quelqu'un soit méritant d'être au pouvoir, il faut qu'il ait il faut qu'il soit passé chez les kuffars. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite fi sahihayn aydan 'ala al-mar' al-muslim as-sam'u wa at-ta'a. Donc le musulman, ça s'est rapporté dans le sahihayn aussi, que le musulman, il doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît. Sauf si on lui demande de faire un péché ou de désobéir à Allah. Si on lui ordonne de désobéir, dans ce cas-là, il n'y a ni écoute ni obéissance. C'est-à-dire, il n'y a ni écoute ni obéissance dans ce péché-là en particulier. D'accord? Toutefois, on doit continuer quand même à l'obéir dans le reste de qu'est-ce qu'il ordonne de bien. Faut pas comprendre ce hadith-là comme certains, par exemple, qui vont dire, ah, bon, là, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'obéissance s'il ordonne un péché, donc je lui obéis plus, je l'écoute plus dans quoi que ce soit. Ça, c'est pas ce que le hadith explique, en fait, mais c'est juste de dire que dans ce péché-là en particulier, tu dois pas l'obéir, mais tu dois continuer par la suite à l'obéir dans qu'est-ce qui est bien. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سفهم لنا قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Donc il mentionne le hadith de Hudhayfa qu'on a déjà cité, dans lequel Hudhayfa demande au sujet du bien et au sujet du mal qui va arriver après le bien, et on a déjà lu ce hadith dans le cours précédent. Donc, juste, on va répéter la fin de qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith, que il a dit, donc il y avait le bien, l'islam, puis après, est-ce qu'il va y avoir un mal? Il dit oui. Et après ce mal, est-ce qu'il va y avoir un bien? Il dit oui, mais dedans, il va y avoir de la brume ou quelque chose comme ça, de la fumée ou de la brume, ça veut dire que c'est pas clair. Et il a dit, qu'est-ce que c'est cette brume? Il a dit, c'est des gens qui se tiennent sur autre que ma sunna et qui se guident sur autre que ma guidance. Et tu vas accepter des choses d'eux, mais d'autres choses tu vas condamner ou désapprouver. Et il dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit, oui, c'est des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Ceux qui leur répondent, ils seront jetés dedans. Et quand ils demandent au messager d'Allah par la suite, de lui décrire, il dit, ce sont des gens de la même origine que nous et qui parlent de la même langue que nous. Il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire si une chose pareille m'arrive? Il dit, c'est-à-dire tu t'accroches au groupe des musulmans ou à la jama'a des musulmans et à leur imam. Il dit, et s'ils n'ont pas, et si à cette période-là il n'y a pas de jama'a et il n'y a pas d'imam, qu'est-ce que je fais? Il a dit, dans ce cas-là, tu t'écartes de tous ces groupes, et même si tu dois t'accrocher au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne, alors tu restes comme ça. Et il mentionne ensuite un autre hadith, an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'a shibran famata famaytatuhu jahiliya. Wa fi riwaya, faqad khala'a riqbata al-islam min unuqihi. Donc le cheikh il explique Ensuite, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, celui qui voit de son dirigeant ce qu'il n'aime pas, ce qui lui déplaît, alors qu'il soit endurant et patient, parce que celui qui se sépare de la jama'a, même d'une petite distance, alors sa mort sera une mort de la, comparable à celle de la jahiliya. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqad khala'a riqbat al-islam min 'unuqihi, c'est-à-dire le collier de l'islam, il l'a retiré de son cou. Et les ulama, ils ont expliqué qu'est-ce que ça signifie ça. Ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'islam à au collier qu'on utilise pour attacher le cou des bébés moutons. Hein, les colliers dans le cou des petits moutons, dans le sens que qu'est-ce que les gens faisaient pour préserver les bébés des moutons de s'écarter pour pas se faire manger par les loups, c'est que on plantait par exemple un bâton et puis il y avait des cordes qui sont plusieurs cordes comme ça qui sont accrochées à ce bâton là. Et au bout de chaque corde, il y a un collier. Et on le met dans le cou de ce bébé pour éviter qu'il s'éloigne. Et ça, ce collier, on l'appelle riqba en arabe. Et donc, c'est quelque chose donc, qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette comparaison-là entre le fait d'être avec la jama'a et d'obéir aux dirigeants. Il le compare donc au fait d'avoir ce collier-là. Comme un mouton qui nous protège en fait contre l'égarement et contre le fait d'être divisé. Et c'est pas comme il faut pas comprendre par là quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il a retiré le collier de l'islam de son cou qu'il a quitté l'islam. C'est pas ça ce que ça signifie. Ça signifie uniquement que la personne donc elle s'est retirée donc de qu'est-ce qui le protège et qu'est-ce qui fait qu'il reste dans la jama'a. Donc ça c'est ça c'est le hadith à ce sujet. Ensuite il dit وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقام فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولا ينزعن يدا عن طاعة. نعم. donc le sheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur de vos dirigeants, c'est ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous faites des prières pour eux, et eux ils font des prières pour vous. C'est-à-dire, ils font des du'as et ils prient pour vous et vous priez pour eux. Et le pire de vos dirigeants, c'est ceux que vous détestez et ceux qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et ceux qui vous maudissent. Alors, on a dit au messager d'Allah, dans un cas pareil, comme si c'est ainsi, est-ce qu'on ne doit pas les combattre avec l'épée? Est-ce qu'on ne doit pas les enlever avec l'épée? Il a dit, non, tant qu'ils établissent parmi vous la salat. Et il a dit ensuite, celui qui... Si quelqu'un a été choisi ou désigné comme dirigeant parmi vous et que vous voyez de lui quelque chose qui a rapport avec la désobéissance d'Allah, un péché, vous voyez que ce dirigeant-là fait un péché, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors détestez qu'est-ce qu'il fait comme péché, mais ne retirez pas votre main de son obéissance. C'est-à-dire, détestez qu'est-ce qu'il fait comme péché, mais ne retirez pas votre main de son obéissance. Donc ça nous clarifie le manhaj encore une fois, et ça c'est des preuves qui viennent supporter le manhaj d'Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Ce sont des hadiths authentiques et clairs à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on constate en fait, Allah al-Musta'an, de la part des jeunes bid'ah et des hizbiyin, c'est qu'ils cachent ces hadiths, ou bien ils ne les citent jamais. Yani Allah al-Musta'an, yani beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui, quand ils parlent des sujets de politique ou des choses comme ça, ils ne vont jamais se référer à ces hadiths-là. Ils ne vont jamais les mentionner. Et pour beaucoup de musulmans, ces hadiths-là n'existent même pas. Ils ne savent même pas s'ils existent. Donc c'est très important de les faire connaître aux gens et de les propager. Parce que yani, certains vont peut-être penser que ce sont des hadiths comme ça qui sont tirés de certains livres que les gens connaissent pas. Non, ce sont des hadiths qui sont tirés dans As-Sahihain, la majorité d'entre eux. Donc ce sont des hadiths authentiques dans Al-Bukhari et Muslim. Et les imams d'Ahl Sunna, ils les ont toujours connus et appliqués. Donc le fait de voir que les gens d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui ignorent ces hadiths, c'est ce qui fait en fait que les gens ignorent comment se comporter envers les dirigeants et comment agir dans les situations dans lesquelles on est en train de vivre aujourd'hui. Donc Cheikh il dit ensuite faqad dalla al-kitab was-sunna ala wujub ta'ati ulil al-amr ya'muru bima'as نعم وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية فتأمل des fois il y a des fautes de frappe dans les livres ou des oublis ou des choses comme ça, donc il faut faire attention يعني. فتأمل قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كيف قال أطيعوا الرسول ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله لله ورسوله وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم من ذلك أما أولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. نعم. donc le Cheikh il explique ensuite que donc c'est ce que le Coran et la Sunna ont prouvé, ont établi comme preuve que c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants tant qu'ils n'ordonnent pas de commettre un péché. Et donc méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset lorsqu'il dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit obéissez aux messagers et il n'a pas dit par la suite obéissez à ceux qui détiennent le commandement après vous? Parce que ceux qui détiennent le commandement, yani, leur obéissance, elle n'est pas inconditionnelle. Elle n'est pas inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on doit uniquement leur obéir dans ce qui fait partie de l'obéissance d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit obéissez à Allah, il a répété le verbe impératif avant ou devant le messager, sallallahu alayhi wa sallam, en disant et obéissez au messager. Parce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, yani celui qui l'obéit, c'est comme s'il a obéi à Allah. Celui qui obéit au messager, alors il a certes obéi à Allah. Puisque le messager ne va jamais ordonner de faire quelque chose qui est en dehors de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, il est même protégé de ça. Il est protégé d'ordonner quelque chose qui est en opposition avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le dirigeant, c'est pas le cas. Le dirigeant, c'est pas le cas, puisque c'est possible qu'il ordonne quelque chose qui soit en contradiction avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans des cas comme ça, on ne doit pas l'obéir. On doit uniquement l'obéir dans ce qui est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh il dit wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابتك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من الظلم من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملك مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطعني جعلتهم عليه رحمة من ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. Et non, donc, ensuite, le cheikh, il dit, l'imam Ibn Abi al-Izz, il dit, en ce qui concerne le fait de rester ou de continuer à obéir aux dirigeants, même s'ils font de l'injustice, la raison de ça, c'est quoi? C'est que le fait de continuer à leur obéir, c'est mieux, puisque lorsqu'on se révolte contre eux ou on se rebelle contre eux, les conséquences négatives de ça sont plusieurs fois multipliées par rapport au mal de l'injustice qu'on peut subir de la part de ce dirigeant-là. Donc en fait, c'est sûr que le fait que ce dirigeant-là soit injuste, c'est sûr que on subit beaucoup de tort, on subit beaucoup de mal. Mais ce mal, il n'est rien par rapport au mal qu'on va subir si on sort contre lui et on se révolte contre lui. Et on voit qu'est-ce qui se passe dans les pays où les gens se sont révoltés et où il n'y a plus de sécurité dans la société. Il n'y a plus d'ordre. Donc ça, c'est des exemples du danger de sortir contre les dirigeants puisque ça ramène plus de désordre que celui qu'on veut enlever. Et le cheikh, il dit ensuite un point très important. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a uniquement placés sur nous à cause de nos mauvaises actions et à cause de la corruption qui existe dans nos œuvres. Et donc, c'est comme si en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit par des dirigeants injustes à cause de nos mauvaises actions et à cause de notre injustice. Donc il dit que il faut qu'on fasse dans ce cas-là beaucoup d'efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour nous repentir et pour réformer nos œuvres pour que par la suite Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève donc cette injustice-là et nous ramène quelque chose de mieux à la place. Et il mentionne des versets dans le Coran qui indiquent que comme par exemple ce qui vous atteint comme malheur c'est à cause de ce que vos mains ont acquise et il pardonne beaucoup. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que lorsque vous avez été atteint par un malheur alors que les kuffars ont été atteints du double, vous dites d'où est-ce que vient ce malheur là ou bien cette défaite? Alors dit, ça vient de vous-même, c'est-à-dire ça vient de vos péchés. C'est à cause de vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné sur vous à cause des péchés que vous avez faits. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui vous atteint comme bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui vous atteint comme malheur, de quelque chose de mal, alors ça vient de vous-même. Qu'est-ce qui vous atteint comme bien, ça vient d'Allah, et qu'est-ce qui vous atteint comme mal, ça vient de vous-même. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a prédestiné à cause de vos péchés. à cause de vos péchés. Et il mentionne également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est ainsi que nous mettons des certains injustes au-dessus d'autres injustes. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir à certains injustes sur d'autres injustes, sur les injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc c'est comme si pour dire que ici on a des dirigeants qui sont injustes, c'est à cause de nous-mêmes, en fait, de nos péchés et de notre injustice. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir et qui nous fait comprendre, en fait, l'erreur des gens aujourd'hui qui font des manifestations et qui font des révoltes dans les pays musulmans. Puisque ils ont adopté la mentalité des koufars. La mentalité des koufars, c'est la mentalité de toujours essayer de blâmer quelqu'un d'autre pour le mal qui nous arrive. Et de jamais accepter de prendre aucune responsabilité pour le mal qu'on fait. Hein? Donc, vous voyez les koufars, par exemple, quand ils font leur campagne électorale ou bien quand ils appellent les gens à voter pour eux, ils sont toujours en train de victimiser les gens, en train de dire aux gens, on vous a manqué dans vos droits, on vous a manqué dans vos... on ne vous a pas donné qu'est-ce que vous méritez, et donc moi je vais venir et puis je vais vous donner tous vos droits, puis je vais vous donner qu'est-ce que vous méritez, ainsi de suite. Et cette mentalité-là aussi, elle existe chez les gens, de dire que nous, on veut nos droits, on veut pouvoir jouer de tout ce qui est bien aussi, et c'est notre droit, et on le veut à tout prix. Et ils oublient leur propre injustice et le mal qu'ils font. Et ils ne prennent aucune responsabilité pour ça. Hein? C'est comme si, comme je disais l'autre jour, la même chose. Ils pensent que tout ce qui arrive comme mal, c'est uniquement à cause du dirigeant. Et ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont injustes. Alors que, comme certains ulama ou certains chouyur ont expliqué, ceux qui boivent de l'alcool, par exemple, dans les pays musulmans, ou qui font de l'injustice, qui prennent le choix, ou bien qui... par exemple, je sais pas moi, commettre le zina ou autre, c'est pas le dirigeant qui est venu personnellement pour les forcer à mettre l'alcool dans leur bouche ou bien à faire les péchés qu'ils font. C'est eux-mêmes qui ont voulu le faire. Hein? Et donc, d'essayer de blâmer le dirigeant pour tous les péchés, ça c'est déjà une injustice et un manque d'honnêteté. Un manque d'honnêteté et un refus de prendre la responsabilité de qu'est-ce qui nous arrive, en admettant déjà premièrement qu'on est responsable d'une certaine façon du mal qui nous arrive et qu'on doit se repentir et se réformer si on veut réellement que la situation change. Ensuite il dit فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنَ الظُّلْمِ أَوْ مِنْ ظُلْمِ الْأَمِيرِ. Donc si le peuple veut se débarrasser ou enlever l'injustice de ce dirigeant qui pèse sur eux, alors ils doivent abandonner l'injustice eux-mêmes. Ils doivent eux-mêmes cesser d'être injustes. Hein? Et lorsqu'ils vont cesser d'être injustes envers eux-mêmes, hein, et d'être injustes envers les autres autour d'eux, eh bien à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever cette injustice-là qui pèse sur eux. Et il a été rapporté, selon Malik ibn Dinar, qu'il a dit que dans certains des livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il était écrit que Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit je suis Allah subhanahu wa ta'ala le maître des rois ou le roi des rois. Les cœurs des rois sont entre ma main. Les cœurs des rois sont entre ma main. Celui qui m'obéit, je ferai en sorte que ces rois-là soient une miséricorde pour eux. Et celui qui me désobéit, je vais faire en sorte que ces rois soient une punition pour eux. Alors, occupez pas ou n'essayez pas d'insulter les rois, hein, n'essayez pas d'insulter les rois, mais plutôt repentez-vous. N'essayez pas d'insulter les dirigeants ou les rois, mais plutôt repentez-vous de vos péchés et je ferai en sorte qu'ils soient doux envers vous. Donc, ça c'est un exemple donc des paroles de nos ulama et des salaf à ce sujet-là. Et ça, c'est donc dans cette partie de la aqidah de l'imam al-Tahawi avec le sharf de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Et donc ensuite, le Cheikh Ubaid al-Jabri, il va citer une autre parole d'un grand alim parmi les ulama al-Salafiyin, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Beaucoup de gens de bid'a, parmi les takfirin à notre époque, et les khawarij contemporains, ils essaient parfois de se référer à Ibn Taymiyyah. Et ils pensent qu'il y a en Ibn Taymiyyah une référence pour eux. Alors que Ibn Taymiyyah était un des plus grands défenseurs du manhaj et de la aqidah des salaf, et il réfutait et il détestait les khawarij, et les gens qui font le takfir sans référence. Et eux, ils s'imaginent peut-être, parce que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a été emprisonné plusieurs reprises dans sa vie et qu'il est même mort en prison, ils s'imaginent donc que Ibn Taymiyyah détestait les dirigeants, ou bien qu'il y avait qu'il faisait des problèmes aux dirigeants et que c'est pour ça qu'on l'enfermait. Alors que c'est pas du tout la raison pour laquelle il a été enfermé. C'est pas parce qu'il avait des problèmes avec les dirigeants pour des oppositions qu'il avait avec les dirigeants dans l'obéissance. Plutôt, c'est parce que il a fait plusieurs fatwa dans la aqidah qui opposaient la aqidah des gens de bid'ah. Et les gens de bid'ah, à cette époque-là, parfois, ils étaient proches des dirigeants et ils essayaient toujours de soulever la colère des dirigeants contre Ibn Taymiyyah à cause de sa défense de la aqidah des salaf al-salih. Hein? Donc, ils l'ont enfermé souvent, et comme par exemple une fois il a été enfermé à cause de son livre qu'il a écrit qu'on appelle Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc, cette Fatwa Al-Hamawiyya, dans laquelle il a réfuté la Aqidah des Asha'ira, eh bien, ça a tellement enragé les Asha'ira qu'ils ont tout fait pour l'arrêter et pour le faire emprisonner à cause de cette aqidah et de cette fatwa. Donc il y a cet exemple-là, il y a d'autres fatwa qu'il a faites que les ulama de son époque, certains ulama qui avaient des bid'ah ou bien qui suivaient aveuglément les madhahib ou des choses comme ça, qui détestaient donc ces fatwa de Ibn Taymiyyah, et ils détestaient également la popularité que possédait Ibn Taymiyyah. Alors ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour justement l'écarter, le mettre à l'écart, lui donner des problèmes. Et c'est pour ça qu'il a été enfermé. C'est pas parce que, comme ces gens-là, ils s'imaginent qu'il était en prison parce qu'il se révoltait contre les dirigeants ou des choses comme ça. Il n'est pas du tout, bien au contraire. Ibn Taymiyyah était parmi les musulmans qui défendaient le manhaj des salaf au sujet de l'obéissance et de l'écoute des dirigeants. Il dit وننتقل إلى ما كتبه علم من أعلام الهدى إمام من أئمة المسلمين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى الصفحة الخامسة. Donc si vous voulez savoir la référence à ce sujet-là et des paroles d'Ibn Taymiyyah, le cheikh il donne la référence. Il dit donc, on vous ramène maintenant à ce que un de nos grands ulama, un des imams parmi les imams des musulmans, on dit, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le volume 35 de Majmu' Fatawa. Le volume 35 de Majmu' Fatawa à la page 5. Le شيخ الزي قال رحمه الله أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل حال وإنما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك. Donc le cheikh il explique donc dans ce livre, dans ce volume, il y a un livre ou une risala au sujet de l'obéissance des dirigeants et de la position donc de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et Ibn Taymiyyah il dit à l'introduction de cette risala que ça c'est une règle résumée au sujet de l'obéissance d'Allah et de son messager dans toute situation, dans toute circonstance, et que tout le monde est obligé de ça, à la fi kulli hal wa ala kulli ahad, Et que parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné, il y a l'obéissance d'Allah et l'obéissance des dirigeants. L'obéissance des dirigeants et le fait que leur donner la nasiha est quelque chose d'obligatoire. Ainsi que beaucoup d'autres obligations également. Donc, il mentionne les versets à ce sujet-là. Il dit, « Allah ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha, wa iza hakamtum bayna nas an tahkumu bil-adl, inna Allah ni'imma ya'ithukum bih, إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. Donc le cheikh il commence donc en mentionnant le verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de remettre les dépôts à ceux à qui ils reviennent, c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous donne une amana, de lui remettre cette amana. Et lorsque vous jugez entre les hommes, jugez avec justice. Un tahkumu bil adl. Et ça c'est une des belles choses auxquelles votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala est audient et voyant. Et il mentionne le verset dans Surat An-Nisa, verset 59, dans lequel il dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. » Donc, il résume qu'est-ce que contient ces deux versets-là en disant que Allah nous ordonne aux croyants d'écouter, d'obéir à Allah, d'obéir aux messagers et aux dirigeants. Puis il ordonne de remettre les dépôts à ceux à qui ils reviennent et de juger entre les hommes en toute justice. Et il ordonne également de ramener les divergences à Allah et à son messager. Et il dit que les ulama ont expliqué que de ramener les choses à Allah, c'est de le ramener à son livre, et de ramener les choses au messager, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, c'est de le ramener à sa sunna. Et il mentionne ensuite, il dit, « Wa qala ta'ala kana al-nas ummatan wahidatan, faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin, wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna al-nas fi makhtalafu fihi, wa makhtalafa fihi illa al-lazina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum, fahada Allahu al-lazina amanu lima akhtalafu fihi min al-haqq bi-ithnih, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, faja'ala Allahu al-lazhi anzalahu هو الذي فجعل الله الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc il mentionne un verset dans Sourate Al-Baqara dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hommes ne formaient qu'une seule communauté et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des prophètes comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs d'un châtiment, et il a fait descendre avec eux le livre en toute vérité pour que les hommes puissent juger dans les choses sur lesquelles ils divergent. Et ceux qui ont divergé, ils ont par la suite, ceux qui ont divergé après que le livre soit révélé, ils ont uniquement divergé entre eux après que les preuves claires leur soient parvenues par Barian Beynahum, c'est-à-dire par animosité ou par envie les uns contre les autres, ou par transgression les uns contre les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru d'entre eux vers la vérité, dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Donc c'est pour faire comprendre en même temps, comme Allah il le dit ici, que Allah il guide ceux qui croient à la vérité, hein, dans les choses sur lesquelles on diverge. Et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Et il dit ensuite donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du livre qu'il a révélé la chose par laquelle les gens doivent juger lorsqu'ils ont des divergences. Et il mentionne le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il disait un dua, et c'est le dua suivant: Ô Allah, Seigneur de Jibra'il et de Mika'il et de Israfil, Créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent, c'est toi qui juges entre ton serviteur ou entre tes serviteurs dans les choses dans lesquelles ils ont divergé. Guide-moi parmi les choses dans lesquelles ils ont divergé vers la vérité par ta permission. Certes, c'est toi qui guides qui tu veux vers un droit chemin. Il dit « Wa fi sahih muslim » من وفي صحيح مسلم عن أبي تميم عن تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le cheikh il dit que ensuite l'imam Ibn Taymiyyah il a rapporté ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Tamim al-Dari, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil, la religion c'est le bon conseil. Ou bien on peut dire aussi al-nasiha, que ça veut dire la sincérité aussi, puisque ça peut avoir plusieurs significations aussi. Même le bon conseil, c'est basé sur la sincérité, hein. Donc c'est de faire preuve de sincérité. Et les sahabas ont demandé au messager d'Allah, envers qui? Il a dit: envers Allah, envers son livre, envers son messager et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc il rapporte encore ce hadith qui est rapporté selon Muslim, par Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah agrée pour vous trois choses: que vous l'adoriez et que vous n'associez rien avec lui, que vous vous accrochiez au câble d'Allah tous ensemble et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez le bon conseil, la nasiha, à ceux qui sont les dirigeants sur vous. Et il mentionne un autre hadith encore. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. C'est rapporté dans السنن selon Ibn Mas'ud et Zayd ibn Thabit رضي الله عنهما, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah سبحانه وتعالى illumine le visage de celui qui entend un hadith de moi et qui le transmet comme il l'a entendu, parce qu'il se peut que quelqu'un transporte une connaissance et qu'il la transmette à celui qui a plus de compréhension que lui, et il se peut que quelqu'un possède une science ou une compréhension et qu'il ne la comprenne pas lui-même. Et il dit qu'il y a trois choses dans le cœur du, il y a trois choses au sujet desquelles le cœur du musulman n'a pas de rancune ou de haine, ou il y a rien dans son cœur contre ces trois choses-là. Il dit premièrement de faire preuve de sincérité dans nos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de donner le bon conseil aux dirigeants. Et troisièmement, de rester avec la jama'a des musulmans, parce que leurs invocations enveloppent tous ceux qui sont derrière eux. Ensuite, il dit يغل بالفتح وهو المشهور يقال غلا صدره فغلا إذا كان ذا غش وضغن وحقد أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليهن عليها ويبغضها أو يكرهها فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Le cheikh il mentionne donc que l'explication de ce hadith qu'on vient de lire, que au sujet du mot yaghil ou du verbe yaghil avec le fatha sur le ya, c'est ce qui est le plus connu, et c'est qu'est-ce qu'on dit du fait que quelqu'un yani il a, comme je disais, quelque chose dans le cœur comme animosité ou rancune ou haine ou des choses comme ça. Donc le cœur du croyant ou le cœur du musulman, il n'a pas rien dans son cœur contre ces trois caractéristiques là qu'on a mentionné dans le hadith précédent, c'est-à-dire dans le hadith qui dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses, que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous vous accrochiez au câble d'Allah tous ensemble et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez le bon conseil à ceux qui sont dirigeants sur vous, c'est-à-dire que vous leur donniez le bon conseil et que vous faisiez preuve de sincérité dans votre obéissance envers eux. Dans le sens que, yani, vous êtes sincère envers lui. Vous lui dites la vérité. Vous êtes sincère envers lui et vous lui donnez le bon conseil. فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا كَانَ يَرْضَاهَا. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de ces choses-là, c'est pas possible que le croyant ne l'aime pas. Si Allah l'aime, c'est pas possible que le croyant il ne l'aime pas. Et c'est pas possible que le croyant il ait de la haine ou qu'il déteste quelque chose de ces trois choses-là, puisque le prophète il l'a mentionné dans le hadith que le cœur du croyant ne possède rien contre l'une de ces trois choses. Naam, donc ikhlas ul amal, munasahat ulat al umur wa luzum jama'at al muslimin. Donc ça c'est les trois choses. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc on s'arrête ici, mais vous allez voir que bon, le cheikh qu'est-ce qu'il fait, cheikh al-islam Ibn Taymiyyah, par la suite il répète beaucoup des versets et des hadiths, ou plutôt des hadiths qu'on a lus précédemment. Il les recite encore une fois. Donc c'est pour dire en fait que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne les mêmes preuves que tous les autres imams d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a au sujet de ces choses-là. Puis il y a un autre point aussi qui est mentionné dans des hadiths qu'on n'a pas cités jusqu'à maintenant. Vous allez voir Inch'Allah demain, bi'ithnillah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc vous allez voir demain, et ça c'est un point très important qui répond justement à certaines choses qui se passent aujourd'hui par rapport à justement les choses qu'on reproche à certains dirigeants et le comportement et l'attitude qu'on doit avoir ou comment on doit réagir dans ces situations-là et envers ces dirigeants qui font parfois de l'injustice. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme s'il nous avait pas averti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il va y avoir des dirigeants qui vont faire de l'injustice et ils vont faire ça, ça, ça, ça et ça. Si vous les voyez, malgré tout, vous devez continuer à les obéir. Hein? Et les gens, quand ils parlent des dirigeants aujourd'hui, ouais, mais ils disent, ouais, mais eux, ils sont pas comme, hein, ils sont pas comme les Sahaba, ils sont pas comme les Khulafa Rashidin. Oui, on sait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'il allait avoir des dirigeants qui vont pas être justement honnêtes et justes. Donc, pourquoi vous agissez comme si le hadith n'existait pas, hein? Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.